Le piéton à droite s'est engagé sur le passage, profitant du fait qu'un véhicule s'est arrêté en double file. Cela ne lui donne pas la priorité de passage pour autant. En effet, le feu est vert. Il dispose donc d'un bonhomme rouge et doit attendre, comme le font les autres piétons à gauche. D'autre part, la circulation est dense. M'arrêter ici pourrait engendrer une situation dangereuse. Je continue tout droit, tout en ralentissant. Réponse B.